Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, si vous nous rejoignez que maintenant, c'est Charlotte Creix. Ça va, Charlotte? Ouais. Oui, comment on prononce? Excuse-moi. Creix. C-R-E-Y-X. On prononce le X. Attention, il y a... Il y a un petit peu de prononciation dans cette émission. Ouais. Charlotte Creix. Alors, avant de parler de ton spectacle, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours, si ça te va. Oui, avec plaisir. Pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Alors, tu es originaire de Lyon. Bien sûr, je suis lyonnaise. Mais... T'es lyonnaise. Ouais. Tu manges dans les bouchons des fois. Exactement. Voilà. Pourquoi? Spécialité de Lyon, c'est les bouchons, c'est les petits restes. Les bouchons lyonnais. Ah, mais je croyais les embouteillages, on pourrait les non, non. Explique, les bouchons, quoi, explique Charlotte, il y a des bouchons aussi à Lyon. Il y a des bouchons restauration. Donc, c'est là où on mange la bonne bouffe de Lyon. Hein, la pizza. Tout le monde, docteur. Non, la spécialité de Lyon, c'est... Les quenelles. Voilà. Ah, la maman de Thibault. T'es de Lyon, Thibault? Non, je suis pas très loin, mais je suis pas mais t'étais venu me voir à Lyon, d'ailleurs. Oui, je suis allé voir ton spectacle. Vous saviez comment ça s'appelait, le théâtre où jouait Charlotte? Il s'appelait le Boui-Boui. Le Boui-Boui, exactement. Ah, faut aller voir le Boui-Boui à Lyon, parce que c'est particulier, la salle. Ouais. Il y a un escalier qui passe au milieu de la scène. Exactement. Voilà, ça vend bien ton spectacle, en tout cas. Tu arrives à Paris en 2004. Ouais. Et alors, tu as suivi quelle formation à Paris? Alors, j'ai fait les cours Florent. Ouais. Des grands acteurs. Voilà, j'ai fait les cours Florent où j'ai rencontré donc Jean-Michel Huat le soir même où je suis arrivée hein, dans ma classe, et du coup on a enchaîné avec Brother and Brother. Alors Brother and Brother, c'est quoi? J'allais y venir. Voilà. Oh, il a bien préparé. Mais quand j'ai rien à faire, c'est c'est que l'invité est bon. Alors Brother and Brother, c'est la première série diffusée sur internet adaptée à la télé. Donc on a été racheté par Canal+, et donc on parodie les multinationales. Donc voilà, c'est quatre protagonistes, quatre personnages. Donc Monsieur le Directeur, Mérieux, hein, qui raye le parquet, Maya, un peu la tâche, et la femme Amandine, hein, qui est aussi assez requin, que j'interprète. Alors on a pu te voir dans d'autres séries sur Canal+, ouais. Dont 8 heures chrono. 8 heures chrono, ouais, qui est une parodie de 24 heures chrono, effectivement, où en fait c'est Jack Power, donc en fait, c'est une heure de temps, hein, 24 heures chrono. Ouais. Tu connais ça, Gilles ? Oui. Et en fait, comme l'épisode fait 52 minutes, que fait Jack Power pendant les 8 minutes qui restent ? Et donc nous, voilà, c'était les 8 heures chrono qui restaient, quoi. On a pu te voir également dans Service Public, qui est une parodie des services publics, voilà, comme son nom l'indique. Service Public. Les services, pardon. Ouais. Mais c'est ça, hein, parce qu'on parodie les services publics, et du coup, bah voilà, quoi. C'était un ping-pong où, du coup, on s'est bien éclaté à écrire des vannes vraiment sur les services publics. Vous avez pas eu de problème? Bah, justement. Non. Oui, non, mon dossier Pôle emploi est bloqué depuis. Depuis 6 mois maintenant. Non, mais c'était on s'est bien marré, quoi. Vraiment, c'était très chouette. Alors, comment tu t'es retrouvée dans toutes ces séries de Canal+? Eh ben, en fait, c'est des séries qui ont été créées par Jean-Michel Huat, que j'ai rencontré au cours Florent, et donc avec qui je travaille toujours, d'ailleurs, et on est sur des projets en ce moment. Voilà. Et alors, parallèlement à Canal+, tu écris ton premier one-man show. C'était le premier one-woman show? Ouais, c'est ça. C'était dans La Tête de Charlouze. Dans La Tête de Charlouze. Donc, le spectacle que j'ai vu à Lyon. Exactement. Ouais. Alors, comment t'es venue l'envie de te mettre à la scène au one-woman show? Bah, en fait, en réalité, quand je suis arrivée au cours Florent, j'avais pas mal de profs qui, du coup, m'ont incité vraiment à faire du café-théâtre et à écrire des sketchs. Voilà, parce que, apparemment, je faisais plus rire qu'autre chose, donc voilà, je me suis lancée dans cette aventure. Alors, tu as gagné des festivals avec ce spectacle, tu as gagné lesquels? Alors, c'est un quiz. Ah, ouais. Vous pouvez gagner des points, les gars. Bah, j'ai gagné les tremplins de Villeurbanne, hein, il me semble, en 2008. À côté de Lyon. Exactement. Comme par hasard. Exactement, avec justement ce personnage Charlouze. Et dernièrement, j'ai gagné les Impertinentes au Grand Point Virgule. Donc, c'était l'année dernière. Excuse-moi, je me marre parce que une de mes meilleures potes a une boutique qui s'appelle les Impertinentes, c'est rigolo. Et que je viens de la découvrir, je commande tout en tagant Léa. Elle est belle cette robe, voilà, c'est tout. Donc les Impertinentes, si vous nous écoutez, bisous. Voilà, bah effectivement, moi j'embrasse mes copines impertinentes. Des petits messages personnels. En tout cas, c'était une bonne info pour la promo de Charlotte. Non, pardon, c'est passé un petit dans un... On a ri, pardon. Oh, on est chiante. Et alors, on t'a revu sur Canal Plus dans la série de Nora Hamzaoui, le OO de Nora. Tu jouais qui dans cette série? Eh ben, je jouais une de ses meilleures amies, hein, parce qu'on est surtout un trio de trois nanas, on va dire, dans la série. Et entre autres, hein. Et donc, je jouais la copine un peu délurée, un peu décomplexée du cucu. Et. qui m'a valu des très bonnes répliques et voilà, et un peu déluré quoi, qui fait qui est un peu décalé quoi. Et aujourd'hui tu viens pour nous parler de ton nouveau One Woman Show. Il a pas de nom Non, il a pas de nom pour l'instant, non, ou peut-être jamais, mais non, il a pas de nom quoi. Il s'appelle Charlotte Kreis. Voilà. Kreis. Krex avec Krex. Un X. Putain, mais dis le X. Krex. Ouais, mais moi je, oui. Charlotte, je connais pas son nom de famille, alors c'est pour ça. Ah, c'est pas Chacha. L'habitude, c'est pour ça. Chacha, alors, qui fait des blagues du cucu. C'est ça. Dans le OO. C'est ça. Alors il parle de quoi ce spectacle? Bah, alors moi je me répands pas mal sur scène, hein, donc il parle pas mal de mes anecdotes. Tu te répands de schizophrénie. C'est vrai. C'est vrai, je me répands un peu. Voilà, je raconte mes interrogations, mes angoisses, et puis mes anecdotes, hein, tout simplement. Alors, notamment un spectacle que j'ai vu, hein, sur Jeanne d'Arc. Voilà, j'ai vu un spectacle sur Jeanne d'Arc, donc j'explique ce que j'ai compris ou pas. Voilà. Et je ne dirais pas dans quel théâtre, hein, je suis allée le voir, mais c'est évidemment un vrai spectacle. Et, tu veux pas dire, c'est dommage. Non, elle serait brûlée, sinon. Exactement. C'est exactement ça. Et puis mes histoires avec les garçons, etc. quoi, hein. Évidemment. Évidemment. Alors à ce sujet, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? mais retenez-le. Oh, les deux commères, quoi. Oh là là. Alors, et en plus, il embarque Thibaut dans son truc, quoi. La commère. Alors, est-ce que tu travailles toujours avec Jean-Michel sur ce spectacle? Non. Jean-Michel Huat. Non, je travaille pas avec Jean-Michel Huat. Et je travaille avec Christophe Ferrari. Que tu connais. Mais on connaît très bien Christophe Ferrari. Ouais. Enfin, on le salue. Voilà. Vous, Gilles et Florine ne le connaissent pas, mais. Léa, tu le connais, Christophe? Oui, je le connais, oui. Tu connais un petit peu Christophe Ferrari? Oui. Bon, on l'embrasse, Christophe? Alors, on l'embrasse très fort. J'étais avec lui ce matin, justement. Ah, t'étais avec lui ce matin. Mais qu'ils sont chiants. Ben, c'est le point people. Laisse-nous, Floriane. Alors, ce spectacle a eu le lauréat Fonds SACD. Exactement, également, ouais. Alors, qu'est-ce que ça explique pour nous et les auditeurs? Bah en fait, c'est un concours sur dossier, hein, voilà. Donc on envoie son dossier pour expliquer. Ah oui, d'accord. Et tu l'as eu grâce à ça? Oui, j'ai eu. En fait, bon voilà, pour vous dire, ça donne un peu d'argent pour développer lancer, son ouais. spectacle. Ouais, voilà. Très bien. Ah, je pensais que tu allais en dire plus. Non. Et ça, alors, non, en fait, c'est sur dossier, c'est sur dossier, quoi. D'accord. Alors, il te donne combien? On se motive, quoi. Non, mais t'es pas bien, toi. Non, bah, je suis fou, celui-là. Je sais, c'est pour c'est ça. Un peu sur l'aide de motivation. Ah oui. Ah. T'as mis quoi dans cette lettre de motivation? Bah, je crois que tu dis pas, il va te piquer tes idées. Hein, ouais. Tu l'auras pas l'année prochaine, la subvention. Moi non plus. Bien, alors ta dernière, c'est mercredi 16 novembre à 21h30, c'est exactement. Ça, à la Comédie des Trois Bornes. Comédie des Trois Bornes, ouais. Faut réserver, je suppose. Parce que... Ah bah, faut réserver, hein. Allez-y, hein. Faut réserver. Excellent. Pour suivre ton actu, c'est sur Facebook. Ouais, Facebook. Ouais. Twitter, Instagram, ouais. YouTube. Ouais, pas j'y trop. Travaille. J'y travaille. Dailymotion. Non, pas Dailymotion. Est-ce que maintenant on est obligé de citer 4 Caramel. Mais ouais, Facebook à fond, hein. Likez ma fanpage, hein. Allez-y, donnez de l'amour. Charlotte, une dernière phrase pour qu'on vienne voir ton spectacle. Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs? Ah bah venez, hein, réservez. Non, bah si vous venez pas, vous loupez vous loupez vraiment beaucoup de choses. Moi, mais vous allez pas vous en remettre. Merci. Non, on ira. Merci à Charlotte d'avoir été notre invitée. Le mercredi 7, tu restes avec nous évidemment. J'espère. Ça faisait un peu au revoir. Tu restes avec nous. La dernière, c'est le mercredi 16 novembre à 21h30 à la Comédie des Trois Bords. Mercredi prochain. Mercredi prochain, finalement. Mercredi prochain, accrochez-vous. Réservez vite, billets réduits, tout ça. Et puis voilà, une tournée peut-être. Bah, je serai au Festival de Saint-Gervais, justement. Là, je viens de l'apprendre. C'est formidable. Très bel endroit. Ouais, ah, Saint-Gervais, c'est vers Chambéry, non? Non, c'est en Haute-Savoie. Oh là là, ah, ne l'attaquez pas, Jean-Paul, avec la Haute-Savoie. Justement, c'est le point géo de... Pardon. À la salle Montjoie. Voilà. Et puis, la salle Montjoie. Saint-Denis. Non, c'est tout. Merci très Charlotte. Festival, c'est un très beau festival. On se retrouve après le troisième morceau, le deuxième morceau de Gilles. On est au deuxième ou au troisième là? Deuxième. Deuxième, c'est ça. Deuxième morceau de Gilles, les Blues Brothers.